Juste aujourd'hui, vous proposer de lire un passage qui est bien connu dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Alors, Philippiens 2, des versets, nous lirons des versets 4 jusqu'au verset 11. Alors, je ferai un mix entre différentes versions, parce que les versions, vous le savez, elles ne sont jamais pleinement satisfaisante. Il y a toujours un petit mot, il y a toujours une expression, il y a toujours quelque chose qui me gêne. Donc je vais faire un petit mixte entre la TOB, la version œcuménique, entre la nouvelle français courant et quelque chose qui est un peu de mon cru. Je prends la lecture au verset 4, Philippiens 2, verset 4 jusqu'au verset 11. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. On serait tenté de dire Amen. N'est-ce pas? Jésus-Christ est Seigneur. Alors dans d'autres traditions, d'autres communautés évangéliques qui sont, on va dire, beaucoup plus démonstratifs que nous, cette simple affirmation, à cette simple affirmation, elle aurait suscité un Amen, un gloire à Dieu et un Alléluia. Alors il faut croire que chez nous, on est beaucoup plus sobre, que l'acquiescement est certainement le même, à la différence que chez nous, tout se passe à l'intérieur. Alors Jésus-Christ est Seigneur, frères et sœurs. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter pendant ces dimanches qui suivent à considérer la personne de Jésus-Christ telle qu'elle nous est présentée dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous le ferons au travers de trois affirmations que nous trouvons dans cette épître. Et j'ai intentionnellement commencé par celle-là, par Christ et Seigneur, parce qu'elle me semble la plus importante. Nous verrons donc aujourd'hui Christ et Seigneur. Dimanche prochain, Dieu voulant, si vous êtes tous là, ne retardez pas vos vacances, hein, partez tranquille. Mais nous verrons Christ et ma vie. Et dans le troisième dimanche, nous verrons Christ me suffit. Alors, Christ me suffit, c'est déjà, je dirais, une interprétation de ma part. On trouve ça dans Philippiens au chapitre 4. Donc, Christ est Seigneur, Christ est ma vie, et Christ me suffit. Christ est Seigneur, voilà ce que dit Paul dans les paroles de ce chant. Car il ne vous a pas échappé, bien sûr, que ce passage des Philippiens, qu'on n'a pas lu en entier d'ailleurs, c'est un cantique. C'est un hymne à la gloire du Christ. Alors, on en a oublié la mélodie d'origine. On ne sait pas comment les premiers chrétiens chantaient ce chant. Mais, fort heureusement pour nous, les paroles de ce chant sont là, prêtes à être mises en musique de génération en génération. Alors, si parmi vous, il y a des compositeurs, eh bien, je les invite. Ça a déjà été fait, mais je les invite à regarder ce texte et à vous laisser inspirer par une mélodie que nous pourrions adapter à ces chants. Ce que je vous invite à voir ce matin pourrait se résumer en trois mots. Héritage, expérience et foi. Alors, tout d'abord, Christ Seigneur comme notre héritage. Alors, l'apôtre Paul, nous le savons, il n'est pas l'inventeur de cette expression ou de cette affirmation. Il s'en fait simplement le porte-parole ou le porte-flamme, si on veut coller à l'actualité du moment, une flamme pour éclairer les nations, une flamme pour illuminer nos consciences, et à nous de prendre le relais de cette flamme. Alors déjà, les textes prophétiques, les textes anciens affirment ou affirmaient que malgré la situation calamiteuse du peuple d'Israël, l'Éternel est Seigneur. Et que c'est en définitive lui, l'Éternel, qui écrit l'histoire. On se souvient de l'histoire de Daniel, l'histoire dans le livre de Daniel où Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, apprendra à ses dépens en mangeant de l'herbe. Vous vous souvenez de cette histoire? Il a mangé de l'herbe, il a été humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse en se prosternant, en fléchissant le genou, pour reprendre les paroles de l'hymne des Philippiens, jusqu'à ce qu'il reconnaisse enfin l'autorité de Dieu sur toute chose. Alors, rappelons au passage que dans cette histoire, celui qui ne reconnaît pas l'Éternel comme Seigneur est abandonné à son animalité. Il a mangé de l'herbe comme un animal. Il est abandonné à la partie dégradante de son humanité. Il a été abandonné à ses instincts, à sa folie. Car pour Dieu, c'est une pure folie que de ne pas reconnaître ni son existence, ni sa pleine seigneurie. Il y a comme une perte de sens, une absence de verticalité, puisque, nous le savons, il était à quatre pattes, comme un animal en mangeant de l'herbe. Il y a donc une perte de verticalité, d'humanité, à ne pas nous placer sous l'autorité de Dieu. Il y a dans l'Écriture deux psaumes, le psaume 14 et le psaume 53, qui commencent exactement de la même manière. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais Christ est Seigneur. Christ est Seigneur. C'est le message le plus clair, le message le plus limpide, le plus transformateur, le plus libérateur que l'on puisse proclamer aujourd'hui. Christ est Seigneur, c'est le tout premier message annoncé par la toute première communauté de croyants. C'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 32, dans le fameux discours de Pierre qui dure juste quelques minutes. Et en quelques minutes, il a convaincu 3000 personnes. Quelle puissance dans ce message et dans cette première prédication. Actes 2, 32 dit ceci, « Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il a été élevé par la droite de Dieu, et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. » Verset 36, « Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. » Alors je crois que, bien souvent, dans l'annonce du salut, on est bien en deçà de cette déclaration. Aujourd'hui, l'annonce de l'Évangile ne doit pas choquer. Il faut lisser l'Évangile. Il faut le débarrasser de tout ce qui irrite. Il faut le débarrasser de tout ce qui dérange, de tout ce qui pourrait appeler, on ne sait jamais, une réponse trop excessive de notre part. J'observe qu'on adapte l'Évangile à notre mode de vie, à notre mode de pensée, au style de vie de notre société, alors que ça devrait être exactement l'inverse. À cause de cela, l'Église ressemble davantage à un rassemblement de croyants bruts de décoffrage, plutôt qu'à une communauté de disciples à l'école du Christ et à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, blabla, blabla, hein, aujourd'hui c'est du blabla. Aujourd'hui, c'est le plus important, c'est mon discours sur Dieu, c'est ce que je pense de la parole de Dieu, et non ce que la parole dit de moi. Et on ne se rend même pas compte qu'en faisant cela, on brise le miroir que Dieu nous tend par sa parole, parce qu'on ne supporte pas l'image que ce miroir nous tend. De nos jours, c'est par une toute autre porte que celle du Christ Seigneur qu'on nous présente l'Évangile. L'amour, la guérison, le succès, la résolution de tous nos problèmes, notre désir d'être reconnu, sont autant de cordes sensibles que certains savent faire vibrer pour nous présenter l'Évangile. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'amour infini de Dieu n'est pas important, je ne dis pas non plus que Dieu ne guérit pas. Ce que je dis, c'est que tout dans notre salut est subordonné à cette réalité que Christ est Seigneur. Si je suis aimé, c'est uniquement parce que Dieu, dans son amour, a fait Seigneur et Christ ce Jésus crucifié. Et peu importe, frères et sœurs, que je sois guéri ou maintenu dans la maladie, que ma vie soit une succession d'échecs, et peu importe même si je me trouve dans le tunnel sans fin des difficultés liées à ma condition humaine, Christ est avec moi. Christ est avec chacun de nous, selon sa promesse, parce qu'il est Seigneur. Ce que je m'efforce de dire ce matin, c'est que le salut, nous ne le devons pas simplement à un Sauveur, mais à un Seigneur. C'est un Seigneur qui nous sauve. C'est parce que Jésus-Christ est Seigneur qui nous sauve. Alors, vous avez tous fait les classes bibliques, tous, en tout cas ceux qui sont de famille chrétienne. Et il y a un verset que l'on fait chanter aux enfants, parce qu'il est tellement important. Alors, je ne vais pas l'entonner, parce que certainement c'est une vieille mélodie, mais ce verset se trouve dans Romains chapitre 10, verset 9. « Si de ta bouche, dit Paul, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Vous connaissez ce chant ?« Si tu confesses de ta bouche », on le chantait enfant. Mais c'est tellement important de dire que notre salut, nous le devons à un Seigneur, à un Sauveur certes, mais il n'est Sauveur que parce qu'il est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Vous vous souvenez de ce que Paul a dit au geôlier, à Philippe, à la même épître qu'il adresse aujourd'hui et que nous avons lu en partie. Que dit-il au geôlier ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais plus exactement, crois à Jésus comme Seigneur et tu seras sauvé. Alors est-ce que cette parole est périmée ? Est-ce que la fameuse date de limite de consommation est dépassée sur cette idée-là, sur cette grande réalité que Christ est Seigneur ? En tout cas, personnellement, je ne le pense pas. Christ est Seigneur, frères et sœurs. C'est l'héritage que nous avons reçu. Tout autre chemin vers Dieu est un chemin. Tout autre chemin vers Dieu est un chemin. Il est peut-être même un cheminement honorable ou tortueux. Mais ce n'est pas le seul chemin. Il y a un commentaire du Talmud. Talmud, c'est le commentaire de la Torah par les Juifs. Un commentaire du Talmud qui dit que si Dieu n'a pas de témoin, alors il n'existe pas. Dieu n'existe et ne se transmet que dans la parole du témoignage de son peuple. Notre témoignage, celui de l'Église, il est là. Il consiste à proclamer que Christ est Seigneur. C'est ce que disent les premiers chrétiens. Nous sommes témoins de ces choses. Témoins que Christ est Seigneur. Témoins que Dieu a souverainement élevé le Christ comme Seigneur, et lui a donné, nous l'avons chanté, le nom au-dessus de tout autre nom, le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes témoins de ces choses, disaient les premiers disciples, de même que le Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls à proclamer cette folie que Christ est Seigneur. Le Saint-Esprit en nous l'atteste. Et Paul le précisera plus tard dans l'une de ses épîtres, l'épître aux Corinthiens. Il précisera, il dira, « Personne, nul ne peut déclarer Jésus est Seigneur s'il n'est inspiré par l'Esprit de Dieu. » Si nous déclarons aujourd'hui que Jésus est Seigneur, c'est parce que en nous, alors que nous n'étions pas témoins ni de sa résurrection, ni de son élévation, ni de son entrée dans le ciel de gloire, c'est parce que le Saint-Esprit nous l'atteste à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette attestation, dans cette folie de croire que Christ est Seigneur, en dépit de tout ce que nous pouvons voir qui pourrait dire le contraire. Et ceci nous amène au second point. Christ est Seigneur, ben c'est une expérience, c'est une conversion, c'est un retournement. Alors, lorsqu'on veut illustrer une conversion, on se réfère souvent à la conversion de Paul telle qu'elle nous est racontée dans le livre des Actes au chapitre 9. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu comment ça s'est passé? Paul va à Damas et sur ce chemin, il est rencontré par Jésus. Et immédiatement, lorsque ce nom lui est révélé, il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous en souvenez? Oui, d'abord il lui demande qui es-tu. Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez bien l'histoire? Alors, évidemment, cette histoire a des limites parce que c'est l'expérience de Paul. Et on sait très bien que dans cette situation-là, il y a à la fois son appel en tant qu'apôtre, mais aussi le moment où il rencontre le Christ de manière personnelle. Et alors que Paul est en chemin, nous dit le texte, hein, c'est bien ça, dans le lieu de son cheminement, il rencontre le nom. C'est le nom qu'il rencontre. Je suis Jésus, il rencontre le nom de Jésus. Il reconnaît ce nom comme Seigneur et il fait exactement ce qu'il dit dans les Philippiens. Il se courbe devant ce nom. Il se met à genoux devant ce nom. Et pour le dire autrement, en tout cas, il se retourne devant ce nom. C'est ce qu'on appelle une conversion, un retour, un retournement. Quelque chose en lui se sépare, d'accord ? Alors qu'il était dans la confusion la plus totale sur Dieu, sur la manière de servir Dieu, sur le Christ, il était dans la confusion, dans l'obscurité, et quelque chose en lui se sépare. Le lieu, le nom, le retournement. Gardons bien ces choses, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Gardons bien ces choses. On va lire deux textes pour nous éclairer. Le premier se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 12, au verset 11. Je ne prendrai que ce passage, il y en a tellement d'autres, mais celui-là me semble suffisamment clair. Il y aura alors, dit Dieu à Moïse, il y aura alors un lieu pour y faire résider mon nom. Dans ce court verset, nous avons ici la promesse qui est faite à Moïse concernant le lieu où plus tard, sur le mont Morija, sera bâti le temple, un lieu pour abriter son nom, il dit bien ça, un lieu pour habiter son nom, un nom qui habite un lieu, d'accord ? Un nom, un lieu pour abriter son nom, un nom qui habite un lieu. Deux Chroniques, chapitre 3, il y en a tellement d'autres, mais on va aller au plus simple. Salomon entreprit de construire la maison du Seigneur à Jérusalem, sur le mont Moria, là où le Seigneur était apparu à son père David. David y avait préparé un emplacement sur l'aire du Jébusite Ornan. J'en ai fait allusion la semaine dernière. L'aire du Jébusite Ornan, c'est ici ce que l'on voit, c'est tout simplement dans ce texte l'indication de la nature de ce lieu. Une aire de battage, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait dans l'aire de battage ? On bat le grain, on sépare, et dans cette aire de battage, on tourne et on retourne les gerbes jusqu'à ce que le grain soit séparé de la paille pour ne garder que l'essentiel, le grain, ce qui est lourd, ce qui ne s'envole pas, parce que la paille s'envole, mais le grain tombe à terre. C'est ce que Paul il expérimente en fait, sur le chemin de Damas. Et nous aussi, dans une certaine mesure, nous ne savons pas à quel point, lorsque puérilement, nous avons donné notre cœur à Jésus, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. Et tout l'enseignement de Paul va être à nous dire ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'une personne se tourne vers Christ le Seigneur. Toutes ces épîtres sont liées à ça. Elles sont liées à son expérience, elles sont liées à l'explication de ce qui s'est produit lorsque nous devenons enfants de Dieu. Face au nom de Jésus, face à ce puissant nom de Jésus, dans cette capitulation que Paul verbalise, il le verbalise ainsi, qu'est-ce qu'il dit ? On l'a déjà dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Saul se trouve en réalité dans le lieu du nom. Hein, on a bien dit que le nom, c'était le lieu. Il se trouve dans le lieu du nom. Le lieu du nom de Jésus. Dans ce lieu, attention, dans ce lieu qui lui donne lieu d'être. Qui lui donne lieu d'être. Et qui n'est pas un non-lieu, parce que toute nos vies, notre vie sans Dieu est un non-lieu. Elle n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'importance, elle n'a pas quelque chose qui est lourd. Alors, dans ce lieu, il lui donne lieu d'être, et ce lieu d'être devient le lieu de sa naissance. Le lieu, on pourra dire, de sa naissance, de sa nouvelle naissance, le lieu de sa naissance d'en haut. Alors, il est dans ce lieu aussi, rappelons-nous, et dans ce lieu, selon les textes anciens, c'est comme pour David, c'est dans ce lieu, souvenez-vous, on l'a dit la semaine dernière, que la plaie s'arrête et que la malédiction va se changer alors en bénédiction. Parce que ce lieu qui sera plus tard cette aire de battage, ce lieu où habite le nom, sera le lieu du temple, là où on offrira des sacrifices et là où on offrira ce que nous sommes venus faire ce matin, c'est-à-dire l'adoration. Christ est Seigneur. Amen. Amen. C'est une expérience. C'est lorsque je rencontre Dieu dans la personne et le nom de Jésus-Christ. Car c'est en Jésus-Christ que Dieu a décidé de faire habiter son nom. Jésus, c'est le lieu de notre salut, le lieu de notre retournement, le lieu où dans un acte créationnel, le même acte créationnel, Dieu sépare le ciel et la terre, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, là il va séparer le grain de la paille pour ne garder que l'essentiel, que ce qui nourrit. Mais troisième point, Christ est Seigneur. Et c'est aussi une profession de foi, une déclaration de foi, une audace de la foi. Alors, on n'est pas dans le même contexte que nos frères et nos sœurs du premier siècle, n'est-ce pas ? Dire qu'aujourd'hui, Christ est Seigneur ne menace pas notre confort. En tout cas, pas ici. pas en Occident. Mais lorsque les tout premiers chrétiens proclamaient que Christ est Seigneur, c'était en vérité un acte subversif, parce qu'à l'époque, seul César était Seigneur, et il était même appelé le sauveur de l'Empire. Alors, je ne vais pas faire de politique, hein, mais en tant que croyant, nous sommes toujours sur le fil. Et il nous est demandé d'être à la fois respectueux des autorités, tout en ayant la liberté de poser des actes d'insoumission quand les circonstances nous l'imposent. Si d'autres croyants en d'autres temps avaient obéi au gouvernement en place, de Vichy pour ne pas le citer, s'ils n'avaient pas commis des actes d'insoumission, eh bien beaucoup de juifs auraient été emportés dans les camps de concentration. Alors, il y a un parti politique qui se réclame les insoumis, la France insoumise, ben c'est nous les insoumis. Voilà. Nous sommes en quelque sorte des insoumis républicains, très républicains même, on prie pour les autorités. À quand remonte notre dernier acte de subversion? Quand est-ce que nous avons désobéi aux autorités tout en, je le dis bien, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure au montage et qu'on ne va pas me faire une vidéo sur les réseaux sociaux en me faisant dire ce que je n'ai pas dit. Quand est-ce que nous avons désobéi aux autorités tout en priant pour elles? Alors je vais vous citer quelque chose que j'ai fait, mais honnêtement, c'est pas grand-chose. La semaine dernière, j'ai acheté à manger à un étranger. Voilà. J'ai acheté à manger à un étranger. Bon, c'est vrai que certainement mon erreur, c'est de ne pas lui avoir demandé s'il avait des papiers en règle. Voilà, j'ai acheté à manger à un étranger. J'ai rien fait d'extraordinaire en fait, hein, en vérité. Rien d'audacieux non plus. Hein. Je n'ai pas perdu mon travail. Je ne suis pas allé en prison pour cela. Et d'ailleurs, nul n'est besoin d'être enfant de Dieu pour faire le bien. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui font beaucoup plus que moi et ils n'ont pas la chance de s'en vanter comme moi aujourd'hui devant vous. Alors, sans doute que, aux yeux de certains, j'ai contribué à mettre en péril toute une politique migratoire en donnant simplement à manger. Mais voyez-vous, lorsqu'on donne à l'étranger, et d'ailleurs j'observe, je n'en fais pas une règle, mais j'observe qu'il est toujours question de l'aide à l'étranger au singulier. C'est-à-dire que c'est moi devant l'étranger. Je suis l'étranger aussi parce que je suis d'origine espagnole, donc je suis étranger. Donc lorsque je donne à l'étranger, c'est toujours de personne à personne. C'est une personne qu'on rencontre. Ce n'est pas un groupe humain qu'on rencontre. C'est un étranger individuellement devant son besoin, devant sa misère, devant ce dont il a besoin de manière vitale. C'est ce que je fais ou ne fais pas lorsque je croise son visage. Alors, lorsqu'on donne à un étranger ou lorsqu'on donne un verre d'eau à celui qui a soif, au-delà d'un geste de solidarité envers celui qui souffre, hein, et qui a soif, ce que je proclame en réalité, c'est quoi? Christ est Seigneur. C'est ça que je dis. Et quand je dis que Christ est Seigneur, qu'est-ce que je dis? J'exprime mon profond désaccord avec ce monde et avec la souffrance et l'exclusion que produit ce monde, tout en prenant ma part, tout en faisant mon possible pour réduire aussi cette souffrance. Proclamer que Christ est Seigneur, c'est une prédication prophétique, c'est un acte prophétique dans lequel j'annonce que ce monde n'est pas celui que Dieu a voulu, que la fin de ce monde est consommée, mais qu'il existe une solution, un message de grâce, c'est que toute personne se tourne vers le Christ. Et que toute langue confesse le Christ comme le Seigneur qui sauve encore aujourd'hui. Christ est Seigneur. C'est notre héritage. C'est une richesse que nous devons transmettre comme un message d'espérance et comme un message de foi. Christ est Seigneur. Mais est-ce que je suis prêt, moi, à me laisser réformer, transformer, retourner pour séparer en moi le bon grain de la paille afin d'habiter son nom? Christ est Seigneur, c'est la profession, c'est ma profession de foi ce matin, je veux la proclamer aussi avec vous. C'est l'expression de ma pleine confiance en un Dieu souverain. Il a toutes choses entre ses mains. Christ est Seigneur de nos vies, il est le maître du temps. Il est Seigneur dans la situation que je traverse, il est Seigneur du silence que la patience de la foi en lui m'impose aussi bien souvent. Christ est Seigneur de mon présent, il est Seigneur de mon futur. Christ est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Amen.